Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre du jazz dans le Paris de l'après-guerre. Et pourquoi avez-vous choisi Saint-Germain-des-Prés pour l'exercice musical? Parce que je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz. Vous savez, il y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et conserver un public. Aux Champs-Élysées, si vous jouez autre chose que de la musique douce, vous vous faites tuer. Et dans les autres endroits en général, si vous jouez autre chose que des sambas, vous vous faites tuer. Il ne reste guère que Saint-Germain-des-Prés. Alors d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou si ça vous est égal? Ah, moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après l'avoir entendu. Si tout Paris ne succombe pas au jazz, comme en témoigne Boris Vian dans cet extrait, le tout Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre, lui, se considère comme vraiment le public de choix quand il s'agit de jazz à Paris. Et c'est dans ce contexte d'après-guerre qu'on va assister justement à une véritable guerre du jazz à Paris dès la fin des années 40. Cette guerre oppose les anciens, les défenseurs du jazz de la Nouvelle-Orléans, et les modernes, les promoteurs du bebop. Le bebop, c'est une époque. Hein? Si on pense aux années 50, c'est une sorte de jazz, c'est une époque. Les musiciens de cette époque-là voulaient jouer autre chose que de la musique de big band, la musique de swing, si vous voulez. Alors, ils ont inventé une nouvelle musique avec de la nouvelle harmonie, et puis ça a été l'époque du bebop. Je vais vous nommer des noms pour situer les gens. Si on pense à Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Horace Silver, pianiste, si je pense au batteur Max Roach, Art Blakey. Autrefois, le jazz me faisait danser, maintenant il me fait penser. Le jazzman québécois Bernard Primeau, qui résume assez bien dans cette capsule diffusée au Montréal ce soir en 1995, la petite révolution que va représenter l'arrivée du bebop à la fin des années 40, au début des années 50. Le bebop, ce jazz qui fait penser plutôt qu'il ne fait danser, disait Bernard Primeau dans cet extrait. Le bebop donc va être au cœur de cette guerre du jazz que connaîtra la France dès la fin des années 40 et durant les années 50. Pour nous parler de cette guerre du jazz, mon invité est l'historien Éric Dussault, un habitué de l'émission, auteur du livre « L'invention de Saint-Germain-des-Prés ». Éric Dussault, bonjour. Bonjour. Avant de parler de cette guerre du jazz dans le Paris de l'après-guerre, un petit mot d'abord, Éric, pour nous rappeler quand et comment le jazz arrive en France. Ça arrive avec les troupes de musiciens de jazz qui ont traversé l'Atlantique en 1918-1919, après le premier conflit mondial, après la Première Guerre mondiale. Ils débarquent dans un corps expéditionnaire américain qui s'appelle le James Rees Europe et ses Isle Fighters du 365e Régiment d'infanterie des États-Unis. C'est eux qui vont arriver avec cette musique-là en sol français. Ils font une tournée, c'est quand même pas rien, dans 25 villes en France en février et en mars 1918. Et là, beaucoup d'entre eux vont rester sur place, vont s'installer à Montmartre. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels pas chers et parce que c'est devenu la nouvelle capitale du jazz. On parle de Jazz in Montmartre, de Jazz Age Paris. On parle du tumulte noir. Donc, Paris devient une des capitales du jazz noir en Europe. Il y a un engouement, en fait, pour même dans les arts visuels, les grands peintres. Il y a comme quelque chose qui se passe autour de cette culture noire des États-Unis, d'Afrique. Vous ne me demandez pas pourquoi? Ben, pourquoi, Éric? Tout simplement parce que les Européens ont honte d'eux-mêmes après la Première Guerre mondiale. Ouais. On s'est entretués, c'est une vraie boucherie. Ouais. Hein? Vous avez déjà consacré des émissions à ce sujet-là, on ne va pas y revenir. Mais on a honte. Alors, on se tourne vers un autre peuple, les Afro-Américains, qu'on considère être exotiques, non civilisés, parce que d'origine africaine, et aussi d'être primitif. Donc, ouais. d'avoir quelque chose qui n'a pas été moulé, modifié... Contaminé par ouais. la civilisation. Ouais, ouais. Alors, vous avez raison, ça coïncide avec une popularité, entre autres, des arts visuels inspirés de l'Afrique. Hein, Picasso et compagnie vont ouais. s'inspirer de l'Afrique pour régénérer. Et parce que le jazz, vie, c'est une musique de régénérescence dans la culture française de l'époque aussi. Puis une vraie activité, une vraie vie culturelle teintée de cette culture noire à Paris, ce qui fait que le contrepoids de ça, c'est qu'il y aura un peu de racisme. Des gens qui s'inquiètent, en tout cas. Ah, bien, c'est clair. Ouais. C'est très important de le préciser. Les Français ne sont pas très rapides à rappeler ça, mais il y a même des quotas. Il y a 10 % des orchestres de jazz dans les années 30, maximum, qui peuvent être composés d'étrangers. Ah ouais. 10 % Pourquoi? C'est une mesure protectionniste pour s'assurer que les Français blancs puissent être majoritaires dans les orchestres. Ouais. Et il y a une telle vague d'Afro-Américains qu'on les accuse de prendre la place des Français. C'est intéressant parce que cette législation-là va être remise au goût du jour après la Seconde Guerre mondiale pour ouais. des raisons similaires. Ben, on y vient justement, la Deuxième Guerre mondiale. On voit bien dans quel contexte le jazz arrive en France après la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre va être importante aussi parce que à ce moment-là, le jazz est perçu comme... Alors, la France est occupée, le jazz est perçu comme une musique subversive par les forces d'occupation allemandes. Ça n'empêche pas pourtant le jazz d'être diffusé, d'être apprécié aussi en France et à Paris durant la Deuxième Guerre mondiale. Extrait de l'émission Une histoire du music hall français, animée par Roger Briand et diffusée en 1981. Ce fut pourtant durant ces années noires que le jazz rencontra une vogue grandissante par le disque, le cabaret et le music hall. Les bals étaient officiellement interdits. Mais il y avait des bals clandestins où l'on jouait ou faisait tourner des airs américains. Les orchestres, ne pouvant faire danser, se produisaient sur les scènes de music hall. C'est le temps de Raymond Legrand et son grand orchestre, du jazz d'Alix Campbell, du jazz de Paris, dirigé par Jerry Mengo. Mais la révélation de ces années-là fut le guitariste gitan Django Reinhardt. Alors, au moment de la guerre et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, juste avant n'éclate cette fameuse guerre du jazz à laquelle on vient dans un instant, Paris, on l'entend dans cet extrait, il y a du jazz quand même. Ça dérange un peu l'occupant allemand, mais il y a du jazz en France. Oui, il n'y a pas d'interdiction. Ça, on va être clair là-dessus. Il y a un grand mythe qui existe. Pourtant, la réalité est très claire. Nous n'avons jamais retrouvé les historiens de preuves d'une interdiction du jazz. Ouais. La danse est interdite. Mais pas le jazz. Alors, ça ressemble à quoi? Donc, ça veut dire que Boris Vian et les autres qui dansent dans le cadre de Surprise Party sont des rebelles, en quelque ouais. sorte. Tête en l'air, là, ils ne sont pas des résistants, mais c'est des gens quand même qui dansent qui une musique qui défie l'autorité. Ouais. C'est clair. Et les musiciens de jazz, sous l'occupation, les musiciens français, vont volontairement, de leur propre initiative, modifier les titres des chansons pour complaire aux occupants allemands. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de directive, mais ils sont prudents et décident de modifier les noms de pièces classiques connues mm-hmm. comme étant tel titre. Et Boris Vian est un de ceux qui a le plus de talent à trouver des noms totalement loufoques et rigolos de classiques de jazz traduit en français. Ouais. Malgré cet engouement pour le jazz dans le Paris de l'après-guerre, reste que, Éric, cette musique-là, ça reste la musique d'une minorité, une musique d'initié. On écoute à ce propos la savoureuse anecdote d'Alain Vian, le frère de Boris Vian, qui raconte donc une anecdote au sujet de son frère à l'émission « Les musiciens par eux-mêmes » en 1975. Je pense qu'il venait au tabou faire une opération de contrôle. Alors, de temps en temps, il arrivait et, démence, il entendait une rumba. Alors, il piquait une colère et il disait « Bande de salauds, on n'est pas à la campagne ». Et immédiatement, on repartait dans le jazz, qui était quand même la musique sacrée de l'endroit. Hein. Seulement, nous, pauvres mortels, quand on voyait arriver un gars de Saint-Flour, avec une grosse moustache et un portefeuille énorme, nous qui n'en avions pas, et qui disait « Je vous filerais bien un billet si vous pouviez me jouer une petite valse ». Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait la petite valse. C'est humain. Ce sont les faiblesses des professionnels. Alors, quand Boris arrivait, puis que c'était la petite valse, alors il donnait un coup de gueule, On repartait sur le Nouvelle-Orléans. Le gars de Saint-Flour disparaissait avec son portefeuille. Car il n'aimait, les gens de Saint-Flour n'aiment pas le Nouvelle-Orléans, c'est bien connu. Hein. C'est beaucoup trop loin de chez eux. Et nous, ben, mon Dieu, on continue à faire du jazz, mais qui plaisait aux jeunes. Et comme chacun sait, cette musique-là n'a jamais tellement réjoui l'homme qui vient passer sa soirée dans une boîte de nuit. Ah, c'est vraiment savoureux, cette anecdote. Qu'est-ce que ça nous dit, Éric Dussault, au-delà de l'anecdote, mais sur la place qu'occupe réellement le jazz dans ce Paris de l'après-guerre? Bien, d'abord, ça nous dit que l'humour noir est bien partagé dans la oui. famille, puisque Alain est aussi rigolo que son frère. D'ailleurs, il y a un second degré. Hein, et oui. C'est pas vrai que Boris était si radical que ça. Mais ça nous dit surtout que, contrairement à la légende, une autre à ajouter, c'est pas vrai que tout le monde aimait le jazz, mm-hmm. même à Saint-Germain-des-Prés, particulièrement le client. Et tous les témoignages que j'ai recueillis auprès des musiciens qui ont joué dans les caves de Saint-Germain-des-Prés confirment le fait qu'il y avait des saucissons. C'est comme ça qu'ils appelaient ça, les rumbas, les slow, ouais. qui étaient exigés par la clientèle. Et si on refusait de se plier à ça, ça c'est ironique parce que Vian, le frère qu'on a entendu, Alain, le frère de Boris, a déjà mis à la porte de l'orchestre un musicien que j'ai interviewé parce qu'il refusait de jouer des saucissons. Ouais. Donc, c'est ça qui risquait d'arriver. Soit on perdait sa place comme musicien dans l'orchestre parce qu'on était rebelle, qu'on voulait jouer que du jazz, soit on ouais. se faisait carrément mettre à la porte du cabaret qui nous employait. Donc, il y a toute une nostalgie qui dit « Ah, c'était la Mecque Saint-Germain, c'était la Mecque du jazz ». C'est vrai, en partie, mais en fait, ce qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une poignée d'initiés qui écoutaient religieusement le jazz, qui aimaient cette musique, mais c'est quelques milliers de personnes. C'est 2 000-3 000 personnes ouais. en 1945 ouais. à Paris. Ouais. 2 000-3 000 personnes. Vous connaissez la population de la ville de Paris, c'est ouais. rien. Ouais. En 1960, on a quintuplé, on est rendu à entre 10 et 20 000 amateurs parisiens. Ouais. Donc, c'est pas vrai que toute la jeunesse aime le jazz. C'est une musique de jeunes instruits, donc mm-hmm. des jeunes qui vont à l'école. Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui sont ingénieurs, qui vont devenir banquiers, vendeurs d'assurance. C'est vraiment la musique d'une élite de l'instruction. C'est comme ça ouais. qu'on l'appelle. Mais qui demeure minoritaire. Or, ouais. la légende nous présente Saint-Germain-des-Prés comme étant, et d'un, la capitale du jazz, et de deux, que toute la jeunesse de Saint-Germain mm-hmm. dansait sur le jazz. Alors, venons-en à cette fameuse guerre du oui. jazz. Ça commence vers 1947-1948. Oui. Dans quel contexte cette guerre commence? Il y a une bombe qui arrive dans l'après-guerre en France. En raison de l'occupation nazie dont vous avez parlé tout à l'heure sur le sol français entre 1940 et 1944, les Français sont isolés, d'un point de vue musical, de ce qui se passe à New York. Entre 1942 et 1944, à New York, aux États-Unis en général, il se passe le bebop. C'est là qu'apparaît le bebop, ouais. avec les noms qu'on a évoqués tout à l'heure, Charlie Cobb Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk et autres. Les Français ne sont pas au courant de ça. Ils sont isolés. Dans l'après-guerre, cette musique-là traverse l'Atlantique ouais. et là, ça a l'effet d'une bombe. Je ne vais pas faire un jeu de ouais. mots avec la guerre, mais c'est ça. D'ailleurs, bip-bop, bip-bop, ça sonne comme une bombe. Le mot, l'origine n'est pas claire, mais il y a une référence à la guerre, c'est très clair. Et ça crée une scission dans le groupe des amateurs, petit groupe, on l'a dit tout à l'heure. D'un côté, il y a Hugues Panassier, qui est la grande vedette. Pour faire encore un parallèle avec ici, imaginez Stanley Péan, ouais. mais pas du tout avec la même vision des choses, là, mais quelqu'un qui a le rayonnement une de autorité. Stanley Péan, une autorité, qui s'appelle Hugues Panassier, mais lui ne défend que le jazz traditionnel, et encore là, noir. Ouais. À quelques exceptions, le blanc, mais noir. Et de l'autre côté, il y a Charles Delaunay, et oui, le fils de Sonia, donc du couple de peintres très célèbre. Alors, vous comprendrez que lui a vécu dans un milieu où l'ouverture d'esprit, l'exotisme, l'universalisme étaient au goût du jour. Alors, quand le bebop arrive, plutôt que de le condamner, on l'écoute, on ouais. essaie de le comprendre et on le vulgarise aux amateurs de jazz. Et ça, ça va créer une scission parce qu'on va exclure en 1947 du Hot Club de France, donc ce groupe d'amateurs, Delaunay, ouais. et c'est Panassier qui devient le patron. Delaunay a été intelligent. Il est allé dans le bottin du commerce français indiquer son nom comme étant le patron de la revue Jazzotte. Alors là, à son tour, il vire Hugues Panassier ouais. de la revue et c'est lui, avec Boris Vian, qui deviennent les patrons de Jazzot, une revue qui existait déjà, mais qui tombe entre les mains des modernistes. Donc, vraiment une bataille entre deux clans, deux visions du jazz qui s'affrontent, mais qui ont chacun, c'est ça qui est fascinant, incarné par ces deux hommes, mais qui ont chacun, entre guillemets, pour rester dans l'imagerie de la guerre, leurs bras armés. Ah oui, c'est clair. L'un, le Hot Club, et l'autre, le grand magazine de jazz en France. Pour comprendre mieux encore qui sont ces deux hommes, vous nous le disiez, Hugues Panassier, c'est le Stanley Payen de l'époque, c'est une autorité. Pour comprendre un peu mieux à quel point ces hommes-là, et Panassier en particulier, est une institution qui emmène très, très large, je vous propose d'écouter un extrait. On écoute Jean Rouch, en fait, à l'émission L'Aventure du 18 mai 1995. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. C'est à la salle Pleyel que Armstrong a joué pour la première fois à Paris. Moi, j'étais à ce moment-là un peu plus âgé, je n'avais pas 5 ans. Ouais. Je n'avais pas beaucoup d'argent. J'étais descendu du poulailler en bas à l'entracte. Et c'est là que j'ai vu un monsieur qui est monté, un monsieur qui boitait, car Hugues Panassier avait eu la polio, au moment où Louis Armstrong attaquait « On the sunny side of the street ». Et il monte et il dit à Louis Armstrong « Oh, please, Lois, you are too high. Vous êtes trop haut. Descends d'un octave. Oh yeah, said Louis Armstrong. And then, et c'était un de ceux qui a découvert cette musique d'une manière très extraordinaire. Étant donc sur son lit de souffrance, il écoutait les disques. Et au bout d'un certain temps, il écrivait à Brunswick ou à His Master Voice pour savoir si la batterie dans tel truc, c'était pas Zutty Singleton. Et le type était très étonné, c'était pas marqué sur l'étiquette. Et il avait repéré, rien qu'à l'écoute, ça. Donc c'était le plus grand spécialiste. Et il était devenu, pour les joueurs de jazz américains, la référence. Géant, en fait. Hugues Panassier, on vient de comprendre en écoutant cet extrait, Éric Dussault, toute l'ampleur du personnage. Hugues Panassier d'un côté, Charles Delaunay, qui n'est pas non plus le dernier venu en matière de jazz. Ces deux hommes s'affrontent. Deux égaux. Quelle importance ça va avoir, cette dimension plus personnelle, cette guerre d'égo dans cette guerre du jazz? C'est clair qu'il y a une lutte à mort entre les deux. C'est lequel, dans l'après-guerre, va être le représentant du jazz en France. Pour moi, c'est très clair. Et si on rentre dans les détails monétaires, il y a aussi une compagnie de disques qui s'appelle Swing derrière, dont ils sont actionnaires. Et il y a aussi la question des royalties, comme on dit en France, là, donc de l'argent qu'on peut faire avec la vente de disques. Bref, c'est un peu compliqué, mais je ne l'ai pas dit, les deux clans portent des noms très rigolos. On est en France, alors forcément, on rigole. Une guerre du jazz entre les figues moisies, donc les traditionnalistes moisies, donc vieille garde, et les raisins aigres, puisque le bebop, lorsqu'on l'entend la première fois, peut sonner comme du vinaigre. Hein? Ça peut, à certaines oreilles, être assez douloureux. Donc, les figues moisies et les raisins aigres s'affrontent, mais on ne l'a pas dit, Jacques, mais c'est important, on se tape dans le visage, littéralement. C'est une guerre de violence. Les amateurs qui sont dans le clan traditionnaliste avec Panassier, vont faire du chahut et se battre avec les modernistes lorsque c'est un concert moderniste. Et lorsque c'est un concert traditionaliste, ce sont les modernistes dans le clan de Delaunay qui vont aller se battre. Alors, c'est vraiment pas juste une guerre verbale, c'est une guerre physique. Et d'ailleurs, les musiciens vont s'en plaindre parce que ça devient complètement intenable, la scène musicale et la scène du jazz à Paris à ce moment-là. Tout à fait. Ils n'arrivent pas à satisfaire deux publics qui sont aussi séparés l'un de l'autre. Et ils vont aussi, eux-mêmes, les musiciens, être victimes de cette guerre-là parce que ça va devenir, cette guerre du jazz, assez rapidement, une guerre entre musiciens. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans les archives une lettre de Sidney Bechet, qui est une des grandes vedettes de Saint-Germain-des-Prés. Il va mourir en France, d'ailleurs, en 1959, même année que Boris Vian. C'est une année difficile pour le jazz, parce que Boris, on l'a dit, est un musicien de jazz et un grand diffuseur de cette musique-là en France. Donc, Sidney Bechet écrit à Panassier, son ami, « C'est de l'enfantillage, c'est dommage que vous soyez deux grands-enfants qui s'affrontent. Ouais. C'est nous qui payons le prix pour ça. Ça fait en sorte que nous avons du mal à satisfaire les publics. Et en plus, entre nous, on doit bien l'admettre, il y a aussi cette rivalité-là. Ouais. Les musiciens qui jouent de la musique traditionnelle détestent les beboppers et les beboppers détestent la tradition. Et il y a une chose que je n'ai pas évoquée, le bebop est associé à la drogue alors que les musiciens traditionnels se vantent de boire du lait. Alors, vous voyez, il y a aussi cet aspect-là qui est important, c'est que c'est lié à des comportements venus de l'Amérique. On accuse l'Afro-Américain d'amener avec lui ses problèmes de drogue. La culture subversive. Voilà, exactement. Ouais. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Il y a une guerre. Le jazz, c'est difficile de tout temps. Plus de monde veut jouer qu'il n'y a de scènes disponibles. Et dans ce contexte, il y a une guerre entre deux clans. Ça va vouloir dire assez vite une guerre entre musiciens professionnels et musiciens amateurs. Ça fait partie de l'équation, ça. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un syndicat à Paris qui veut s'assurer de la primauté d'embauche des musiciens français. On veut même instaurer l'idée d'une carte professionnelle. On parle de ça souvent dans le journalisme. Oui, parce que professionnel amateur, mais il y a aussi donc guerre entre musiciens français et américains. Et américains, parce que dès qu'il y a un Afro-Américain qui débarque, et il y en a 150 orchestres afro-américains dans les 20 ans qui suivent la guerre, qui viennent en France, certains vont y résider de façon occasionnelle ou permanente, certains vont juste passer par Paris. Mais bref, n'importe quel Américain qui débarque va dans un club et joue. Ouais. À des cachets plus ou moins élevés, tout dépendant. Et on accuse ces Afro-Américains de voler du travail, comme on l'a dit tout à l'heure dans les années 30 en France, dans les années 20-30, c'est la même rengaine. Et en plus, les amateurs qui jouent par plaisir vont se faire accuser de faire diminuer vers le bas les cachets. Ils jouent pour presque rien, parfois. Ils jouent pour presque rien. Et les musiciens professionnels, qui même parfois ont une base, une formation classique, vont donc être choqués de ça parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie. Ouais. Et en plus, il y a Claude Luther, les gens du Lorientais et d'autres musiciens amateurs qui ont beaucoup de succès au détriment des professionnels. Ouais. Alors, il y a une réelle guerre aussi entre amateurs et professionnels parce qu'on s'accuse mutuellement de nuire. Au final, Éric Dussault, quand et comment se termine cette guerre? Qui en sort gagnant? C'est une question intéressante. Panassier, aujourd'hui, passe pour un raciste, pour un archaïque. C'est clair que Panassier, sa mémoire n'est pas très bonne, là. C'est quelqu'un qui est très mal vu aujourd'hui. Important pour ce qu'il a porté comme érudit du jazz, mais quand même, sa haine du bebop était complètement démesurée. Ouais. Ça fait l'unanimité. Par contre, il faut bien admettre qu'à peu près le seul cabaret dansant de Paris, la Huchette, rue de la Huchette, qui existe depuis plus de 70 ans et qu'on a retrouvé dans le film La La Land, eh bien, persiste toujours. Et qu'est-ce qu'on joue là-bas? C'est du jazz de style Nouvelle-Orléans. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est du jazz dansant. On ne l'a pas dit, mais lorsqu'on joue du bebop, les gens ne peuvent pas danser. C'est une musique déstructurée. Alors ça nuit aux musiciens. La musique qui fait penser plutôt que danser. Voilà. Ça Primeau. Veut dire que les musiciens qui jouent du bebop ont moins de possibilités d'embauche que les musiciens traditionnels Nouvelle-Orléans qui, eux, peuvent faire danser. Éric Dussault, historien, auteur du livre « L'invention de Saint-Germain-des-Prés ». Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.